La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Ça s'appelle la myologie, il s'agit de la science qui étudie les muscles, ces muscles indispensables pour bouger, respirer, parler. Ils jouent un rôle clé dans le contrôle de la température de notre corps. Ils captent le cholestérol et le glucose du sang et produisent des hormones qui agissent à distance et influent sur tous les autres organes, y compris le cerveau. Avec mes invités, nous allons voir ce qui distingue les différents muscles de notre corps, quelles sont leurs différentes fonctions, comment ils vieillissent, quelles sont les maladies qui peuvent les concerner, et vous nous rejoignez dès maintenant avec vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Les saisons lentes et froides de Pluton aujourd'hui à la une de la science. Et le printemps pour commencer qui dure depuis plus de 30 ans et qui fait l'objet d'une double publication par des chercheurs français. Alors préparez vos écharpes, les saisons et les températures sont plutôt fraîches là-bas. Et puis à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 mai, l'émission se terminera avec la campagne pour les élections européennes. C'est Nathalie Poitevin qui réalise aujourd'hui cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Avec la science des muscles cet après-midi dans notre dossier avec mes invités que je salue, France Pietri-Rouxel, directrice de recherche au CNRS et à l'Institut de myologie. Bonjour à vous. Bonjour. Olivier Benveniste, professeur en médecine interne à la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'INSERM et également à l'Institut de myologie. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Et Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Bonjour. Bonjour. Serge Braun, c'est assez étonnant finalement cette méconnaissance que nous avons de nos muscles, eu égard quand même aux services qu'ils nous rendent. Mais oui, ça a longtemps été considéré comme une sous-discipline de la neurologie. Donc la neurologie... De la neurologie là, oui. Ah bon, mais quel rapport alors? Justement, il n'y en a pas trop. Enfin, il y en a un petit peu quand même parce que les muscles sont innervés par un système nerveux. Donc ils sont connectés par des neurones moteurs qui viennent de la moelle épinière et tout ça est relié au cerveau. Ouais. Mais si on connaît relativement bien le cerveau, y compris l'imagerie du cerveau, on avait très peu de connaissances du muscle, y compris aussi en termes d'imagerie. Et ce sont des sciences qui sont assez récentes, 30-40 ans. On va explorer justement cette science des muscles avec vous, France Pietri-Rouxel. Est-ce que le vieillissement de nos muscles est un phénomène absolument inéluctable, tout comme les autres cellules de notre corps? Oui, en fait, le vieillissement de nos muscles aujourd'hui a été, depuis 2016 en fait, l'Organisation mondiale a décrété que c'était une pathologie, ça s'appelle la sarcopénie. Sarcos qui vient de chair, pénie, perte de chair, en fait c'est une diminution de la masse, de la fonction et de la qualité des muscles au cours de l'âge et mais du vieillissement. Mais ça concerne tout le monde finalement. Ça concerne tout le monde. Et c'est considéré comme une maladie. Oui, c'est considéré comme une maladie aujourd'hui. Pourtant, c'est dans l'ordre normal des choses, non? Oui, pour un corps mais humain. C'est que les conséquences en fait de cette diminution de la fonction de la masse musculaire sont très importantes chez les personnes âgées. Donc, c'est vraiment un problème médical aujourd'hui. Olivier Benveniste, de votre côté, vous travaillez sur un groupe de maladies rares du muscle. De quoi il s'agit exactement? Les myopathies inflammatoires, c'est-à-dire les maladies non pas génétiques comme France, mais les maladies acquises liées à un dérèglement du système immunitaire qui s'attaque aux muscles. Oui. Elles concernent beaucoup de gens? C'est quand même des maladies qui sont pas les plus rares au monde. Je dirais qu'en France, il y a environ 10 000 personnes qui sont atteintes de ce type de maladie. On va se retrouver donc dans un instant pour en discuter et pour évidemment voir les fonctions, les mécanismes des muscles. Et vous allez répondre aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Voilà Vivaldi et son printemps pour nous accompagner vers Pluton, car ce sont les saisons plutoniennes qui nous intéressent aujourd'hui À la une de la science, Axel Villard. Oui Mathieu, et c'est un long printemps dont on va parler puisqu'il dure depuis 1988. En effet. Et qu'il n'est toujours pas fini. C'est parfaitement compréhensible quand on se souvient que l'année plutonienne dure 248 ans. Donc depuis 30 ans, des chercheurs français étudient le lent climat plutonien et découvrent petit à petit ses particularités. Deux publications compilent leurs travaux dans la revue Astronomy and Astrophysics et nous recevons par téléphone celui qui dirige ces recherches, Bruno Sicardi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et chercheur à l'Observatoire de Paris. Alors au final, Bruno Sicardi, il va falloir plusieurs générations de chercheurs pour étudier une année complète sur Pluton. Vous n'avez vous-même connu que le printemps. Oui. En fait, j'ai commencé ma carrière dans les années 80, donc au moment où se produisait l'équinoxe sur Pluton. Et le printemps va donc se terminer, comme vous le disiez, en 2030 à peu près, dans l'hémisphère nord, et l'été en fait va prendre jusqu'à 2110. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de temps pour préparer les choses. Alors quelle est la température moyenne sur Pluton au printemps? Alors le sol, les glaces de la surface de Pluton sont à peu près à moins 230 degrés Celsius. Les scientifiques disent que ça correspond à ce qu'on appelle les degrés Kelvin, donc 40 degrés Kelvin. Oui. Et cette température dépend donc de l'énergie solaire qui arrive à la surface de Pluton. Alors quand on a accès seulement au printemps pour faire des observations, comment est-ce qu'on étudie le climat d'une planète sur 248 ans? Quelle a été votre stratégie pour essayer de détailler ce climat dans le temps? Alors premièrement, il y a eu donc des mesures, ce qu'on appelle des occultations stellaires. Pluton, de temps en temps, passe devant une étoile. Et lorsque l'étoile disparaît derrière Pluton, elle ne disparaît pas de manière abrupte, mais de manière graduelle, en plusieurs dizaines de secondes. Et ceci donne donc le profil de densité, de pression et la température de l'atmosphère. Mmh. Alors, typiquement, on a observé une quinzaine d'occultations depuis 30 ans, peut-être un peu plus, entre 15 et 20. Et on a vu la pression augmenter, ce qui était surprenant, puisque c'était au moment où Pluton était en train de s'éloigner du Soleil, donc recevait de moins en moins d'énergie. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en 2015, la sonde NASA New Horizons a survolé Pluton et a montré la distribution des glaces à la surface de Pluton, et en particulier l'existence d'un énorme glacier de glace d'azote, hein, c'est pas de la glace d'eau, de la glace d'azote, qui régule en fait l'atmosphère de Pluton. Les rayons solaires arrivent, donc chauffent un petit peu cette glace et vaporisent, terme exact en sublime, donc vaporise cette glace d'azote qui alimente ensuite l'atmosphère, qui donc est complètement dépendante de cet énorme glacier qui est dans une dépression qu'on appelle la Spoutnik Planitia. Oui. Et quand on a mis ensemble donc, nos mesures depuis la Terre et cette présence d'un énorme glacier, on a pu reconstituer tout un modèle cohérent qui explique pourquoi l'atmosphère a presque triplé en pression depuis 30 ans. Donc on se rend compte quand même rapidement, Bruno Sicardi, que même si sur Terre les choses vont plus vite, il y a aussi des pluies, des vents, des variations de pression sur Pluton. Ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles au final. Ben, ce qui est intéressant de ce travail, je pense, c'est de voir en temps réel, si j'ose dire, parce que 30 ans... quand même assez long, mais on voit comment une planète naine comme Pluton réagit selon son propre cycle. Hein, comme la période orbitale de Pluton est de 248 ans, il faut 248 ans pour compléter un cycle complet. Et donc là, on voit, grâce à ces mesures, comment la planète réagit à son orientation par rapport au Soleil, à sa distance au Soleil. Et donc, il y a eu, si vous voulez, une combinaison d'observations en fait depuis la sol et de mesures faites depuis l'espace, et en mettant tout ça ensemble et en utilisant des modèles climatiques qui par ailleurs sont utilisés pour Mars ou pour la Terre, on arrive à comprendre ce qui se passe. Alors quand on parle de météo sur Terre, on parle du cycle de l'eau. Vous l'avez dit tout à l'heure, la météo sur Pluton, oui, c'est un cycle de l'azote. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait les trois phases comme sur la Terre avec l'eau? Alors sur Pluton, effectivement, sur Terre, c'est l'eau qui se vaporise, qui se solidifie sous forme de glace, qui est liquide, etc. Donc, les climats, si vous voulez, sont beaucoup liés à cycle de l'eau. Sur Pluton, l'eau est en fait forme de rocher, donc une roche très très dure. Donc, il n'y a ni vapeur, ni eau liquide. Mm-hmm. Et donc, ce qui remplace, si on peut dire, l'eau l'eau, c'est l'azote qui est sous forme de glace à la surface et en forme de vapeur. Alors la température est trop basse pour qu'il y ait de l'azote liquide à la surface en tout cas. Donc les deux phases qui peuvent exister à la surface de Pluton, c'est la phase solide, la glace, donc, et la phase gazeuse. Et les deux interagissent selon l'énergie reçue du Soleil et vont évoluer au cours du temps. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'en 2030, l'été dans l'hémisphère nord de Pluton va commencer. Quels sont les changements majeurs que vous attendez ? Alors les modèles prévoient, théoriques en tout cas, donc ça a été ajusté ce qu'on a fait depuis le sol, depuis la Terre depuis 30 ans, et ces modèles prévoient que même avant la fin du printemps, la pression va recommencer à diminuer, va commencer à diminuer, donc on a atteint actuellement le maximum de pression. Et la fin du printemps, ça va être le début de la chute de pression qui devrait se continuer pendant une bonne centaine d'années. Pendant ce siècle à venir, si on peut dire, la pression va être divisée par 20. Donc dans les années 2100-2150, il n'y aura que le 20e de la pression atmosphérique actuelle. Donc, vous voyez que c'est des saisons beaucoup plus violentes qu'on qui existe sur Terre, où les pressions atmosphériques varient de quelques pourcents au cours d'une journée, au cours de l'année, au cours des mois. Et si dans le prochain siècle, on envoie une autre sonde que New Horizon, est-ce qu'on aura des nouveaux paysages, des nouvelles images? Est-ce que ça va changer la surface de Pluton? Alors, le fait que cet azote va recommencer à se condenser sur la surface, va former une pellicule de givre, qui est très fine, c'est une ordre du millimètre, mais très brillante. Donc il se pourrait que Pluton devienne de plus en plus brillant, en fait. Non seulement on peut le voir avec une sonde, mais ne serait-ce que depuis la Terre. Si on commence à voir que l'éclat reçu de Pluton augmente, ce sera la signature de cette couche de givre, si on peut dire, cette couche de givre est en train de se déposer. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller avec le temps spatial, sauf qu'il serait effectivement intéressant d'aller voir comment se redépose cette couche de givre à la surface du Pluton. Merci beaucoup en tout cas, Bruno Sicardi, spécialiste observateur attentif de Pluton, et vous étiez en duplex de la Norvège, ce qui expliquait ce petit décalage entre nos voix. Merci beaucoup à vous, et puis Axel, on se retrouve demain. À demain, Mathieu. Et dans un instant, la science des muscles. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces 5 pouces? Il est un très belle femme par cette petite secousse. Comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le puce, je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, oh mes femmes, oh milieu, sois toi-même. Être unique est précieux. Dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que un. La yin est dans la yang, le yang est dans le yin. La yang est dans la yin, le yin. Oh! L. Et vous avez reconnu la voix d'Arthur H. La tête au carré, Mathieu Vidard. Barbarian. Warrior. Ordre du système nerveux central, contractez le muscle deltoïde pour lever le bras. The man they call Conan. The Barbarian. Pour faire grossir ses muscles, pour avoir des muscles plus gros, il faut que l'organisme s'adapte. Pour qu'il s'adapte, il faut provoquer un stress. Transmettez les informations aux fibres musculaires. Pressons les neurotransmetteurs. Festival du muscle au Palais de la Mutualité, où un jury de journalistes sélectionne à grand-peine, parmi les 44 plus belles carrures de France, l'Apollon 1958. Du système nerveux central, décontractez le muscle deltoïde pour baisser le bras. Devant un parterre trop étonné pour manifester son enthousiasme, pectoraux, dorsaux, deltoïdes et autres abdominaux, acquis par des années de fervent culturisme, ont assuré le succès aux plus noueux des concurrents. L'oxygène pour les cellules des muscles, mes amis. Voilà, et c'est un petit peu également le Festival du Muscle cet après-midi dans la tête au carré avec cette science, la myologie, donc que nous étudions avec mes invités pour voir ensemble les mécanismes, les fonctions et les pathologies liées à nos 600 muscles, voire même un petit peu plus. Et vous nous rejoignez déjà avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. France Pietri-Rouxel, directrice de recherche au CNRS et à l'Institut de Myologie. Vous travaillez en particulier sur la myopathie de Duchenne, maladie génétique, c'est ça? Oui, maladie génétique qui en fait est une mutation dans un gène qui code pour une protéine très importante au niveau du muscle, car elle permet en fait de garder l'intégrité de la fibre musculaire au cours des phénomènes de contraction. Donc il faut qu'on ait une certaine élasticité et c'est un des rôles de cette protéine qu'on appelle la dystrophine. Et une mutation dans le gène de la dystrophine en fait altère le muscle et déclenche une myopathie de Duchenne. Donc les conséquences, c'est une dégénérescence de l'ensemble du système muscle. Alors le muscle dégénère, oui, ouais. Parce que les fibres musculaires cassent. Donc on n'a plus cette intégrité qui est maintenue par la dystrophine, parce que la dystrophine est absente. Donc la fibre musculaire casse et le muscle dégénère et il est remplacé par de la fibrose et du tissu adipeux. Serge Braun, vous êtes avec nous, directeur scientifique de l'AFM Téléthon, membre de l'Académie nationale de pharmacie. Bah, c'est l'occasion aussi de rappeler avec vous que l'AFM Téléthon, ça fonctionne toute l'année, hein, et pas seulement au mois de décembre, au moment où on peut faire des dons. Hein. Toujours le téléthon.fr toute l'année, effectivement. Ouais, et c'est important pour aider les organismes, justement, comme cet institut précisément de myologie, où vous travaillez également, Olivier Benveniste. Vous êtes professeur en médecine interne à la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'INSERM, et on le disait tout à l'heure, vous travaillez en particulier sur les myosites, hein, des maladies rares du muscle, on y reviendra dans un instant. Déjà, des questions des auditeurs sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Je vais vous donner cette première question, peut-être France Pietri-Rouxel, puisqu'on en parlait avec vous à l'instant. Christian demande, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la circulation sanguine lors d'une contraction ou crispation volontaire forte ou lors d'un étirement? Alors, on rentre directement dans le vif du sujet, mais ça correspond à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la contraction du muscle, alors. Alors, peut-être qu'il faut revenir un petit peu sur, plus en détail sur les mécanismes de contraction du muscle. Oui. En fait, le muscle est composé de fibres musculaires qui sont elles-mêmes constituées de myofibrilles. Ces myofibrilles, elles contiennent l'appareil contractile. Cet appareil contractile, il est formé de chapelets de protéines. On a des filaments fins qui sont formés de chapelets de protéines qui sont les lactines et des filaments épais qui sont formés de chapelets de myosine. Et donc c'est ce coulissement des filaments d'actine et de myosine qui font que la fibre musculaire va raccourcir. Donc l'ensemble des myofibrilles vont raccourcir, l'ensemble des fibres musculaires vont raccourcir et le muscle entier va raccourcir. Donc en fait ça c'est les mécanismes de contraction du muscle. Et tout ça se passe évidemment à la vitesse de l'éclair. Et hein. Oui, bien sûr. Cette mécanique est très rapide. Hein. Et surtout c'est un acte volontaire. Donc en fait il faut qu'il y ait une activation de cette contraction et l'activation de cette contraction elle est amenée par des neurones qui sont particuliers qu'on appelle les motoneurones puisque ce sont des neurones moteurs qui vont venir activer ou amener une activité électrique au niveau du muscle. Ces neurones donc ils sont à l'intérieur branchés, même non, des non, muscles non, ils sont branchés sur le muscle en fait au niveau d'une comme une prise électrique. Hein, c'est un endroit très particulier qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Et donc au niveau de ce branchement, il va y avoir le mécanisme, le phénomène de passage de l'activité électrique amenée par le motoneurone à la contraction musculaire. Donc il y a un acte volontaire, donc une volonté de faire un mouvement. Mm-hmm. Donc on part du cerveau, on active les nerfs, on arrive jusqu'au motoneurone qui est branché sur le muscle et on déclenche la contraction. Oui. Et la même chose en sens inverse alors pour. Et alors bien sûr le muscle se pour aussi se relaxe, pour oui, se le relaxe, relâchement. Voilà et voilà ce qui se passe. Oui. Serge Braun. Pour revenir à la circulation sanguine, il y a besoin d'oxygène, il y a besoin d'énergie, notamment de sucre, ouais. Pour faire en sorte que ces muscles puissent fonctionner et se contracter. Donc il y a un afflux de sang et évidemment ensuite tous les produits, un peu de, les déchets de cette activité énergétique qui vont être repris par le flux sanguin et qui vont être recyclés. Il y a d'ailleurs des pathologies liées à ça. Et dans la myopathie du chêne, il y a des altérations de la vascularisation des muscles. Donc l'oxygénation, c'est absolument essentiel. Hein. Mmh. Et cette oxygénation, justement, une bonne oxygénation des muscles, on la provoque à quel moment? Pendant une activité particulière? Il y a des éléments extérieurs qui jouent énormément là-dessus? Il y a des éléments au niveau du muscle, oui, qui sont des signaux qui vont être diffusés tout près du muscle, au niveau des vaisseaux, et mm-hmm. qui vont augmenter le volume du vaisseau qui est dans le muscle, pour pouvoir augmenter le débit de flux sanguin et les apports énergétiques et de glucose. Olivier Benveniste. La circulation sanguine apporte les bonnes choses pour le muscle, c'est-à-dire les aliments, le glucose, l'oxygène, mais aussi les mauvaises choses par moment. Ça peut être des toxiques. Et il y a des tas de médicaments qui sont toxiques pour le muscle. Ça peut être des cellules inflammatoires, donc les systèmes qui nous servent à nous défendre contre les infections, mm-hmm. qui peuvent aussi aller envahir le muscle et créer des maladies. Ouais. Et tout ça réagit très vite finalement. Le muscle est très sensible au fond, Serge Braun, à son environnement direct, ouais. passant par les voies sanguines évidemment. C'est des processus qui se déroulent en quelques millisecondes, mm-hmm. parfois même microsecondes, parce qu'il y a des processus moléculaires à l'intérieur des cellules qui sont extrêmement rapides et tout ça fonctionne de manière hyper coordonnée. Ouais. Et le moindre petit grain de sable, évidemment, peut Exactement. Tout perturber. Françoise demande qu'est-ce qui se passe au moment d'une crampe précisément? Est-ce que c'est le muscle qui est... On a une hypercontraction musculaire ouais. qui est là... non volontaire. Et en fait, on ne connaît pas toutes les causes en fait, qui provoquent les crampes. Certains aliments peuvent provoquer des crampes, certaines une toxines, acidité. C'est ce que disait Olivier. Toxines, ouais. Certaines toxines qui sont présentes au niveau du muscle peuvent provoquer une hypercontraction au niveau du muscle. Il faut de l'énergie pour relâcher les muscles, en fait. Il en faut pour se contracter, il en faut pour relâcher les muscles. Ouais. Et à un moment donné, il n'y a pas assez d'énergie, surtout quand on sollicite les muscles énormément. À un moment donné, on manque d'énergie, le muscle n'arrive plus à se relâcher. Il y a aussi des pathologies, d'ailleurs, du relâchement des fibres musculaires. Olivier Benveniste. Il faut quand même rappeler que c'est très désagréable, une crampe. On en a tous eu. Mais globalement, ce n'est pas grave. C'est un phénomène douloureux et passager. Et puis, de temps en temps, c'est un signe d'entrée dans des maladies beaucoup plus embêtantes. C'est quand le motoneurone, justement, ne marche pas bien et commence à dégénérer. Et on peut, les premiers signes, ça peut être des crampes itératives. Donc, il faut surveiller ça si elles sont plus fréquentes que d'habitude, oui. par exemple. Une crampe banale, c'est vraiment banal. Oui. Pas s'inquiéter du tout, mais parfois, c'est un signe d'entrée dans des maladies graves. France Pietri-Rouxel. Oui, non, j'acquiesçais ce que disait Olivier. Donc, étudier tous les signaux envoyés justement par nos muscles, c'est important. Dire, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, on est dans un phénomène de symbiose entre le motoneurone et le muscle. Mm-hmm. Et que ce qu'il faut comprendre, c'est que le muscle seul, quand il n'est pas activé, quand il ne se contracte pas, dégénère. Ouais. Ça peut être une anomalie qui vient au niveau du muscle, comme une myopathie, et ça peut être aussi une anomalie qui vient au niveau du motoneurone. Ça peut être aussi une immobilisation. On sait, par exemple, que quand on est plâtré, très vite, on perd énormément de masse musculaire, uniquement parce que le muscle ne se contracte plus. Ou quand on va dans l'espace, par exemple, aussi. Hein. Aussi, parce que il n'y a pas de contraction. Quand on revient d'un long séjour en apesanteur, on ne peut plus marcher. Hein. Il se retrouve en fauteuil pendant un certain temps. Alors même qu'ils font du sport pour essayer de tonifier en permanence les muscles, mais il y a une fonte qui est extrêmement rapide dès lors qu'on ne le sollicite plus de la même manière. On ne peut pas contrecarrer à 100%. Ouais. Serge Braun, si on fait la liste ensemble de tous les muscles de notre corps, on va arriver... Écoutez, on a toute l'heure, donc allons Allons-y. Il nous en faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Oui. Hein. Il y a plus de 600 muscles. Alors, il y en a un qui est un peu particulier, c'est le cœur. Alors, on va le mettre un petit peu de côté. Mais les muscles squelettiques qui nous font bouger, mais pas que. Ouais. On va certainement revenir sur le rôle des muscles. Ça va de très gros muscles, comme le muscle sartorius, qui est un muscle qui vient de la hanche, qui va jusqu'au genou, qui est le plus long de notre organisme. Ah, ça, c'est le plus long, d'accord. C'est le plus long. Il y a, il y a des muscles type le fessier, qui sont des muscles qui font plusieurs kilos, à de tout petits muscles, comme le stapédien, qui a un petit muscle qui fait à peine plus d'un millimètre, et qui est absolument indispensable. Si vous m'entendez, là, et ceux qui m'entendent sont capables de le faire, c'est parce qu'ils ont un muscle dans l'oreille, dans l'oreille interne. D'un millimètre seulement? Voilà, qui est tout petit, qui joue sur un des, qui joue sur des petits osselets de l'oreille interne, et qui vibre grâce au son, et dont les vibrations sont freinées grâce à ce muscle. Ouais, c'est 30 à 40% de notre poids total, hein, quand même. Ça peut être même plus que ça, ça dépend des personnes, évidemment, mais on peut dire que c'est au moins 40% de la masse de l'organisme. Ouais. Yannick qui dit « J'ai 48 ans et je continue le sport et la musculation. Peut-on encore fabriquer de la masse musculaire après 40, 50 ou 60 ans, France Pietri-Rouxel ?» Alors, un petit peu moins que quand on a 20 ans. Ouais. Voilà, c'est les mécanismes de sarcopénie dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, on peut. Il y a des études qui montrent qu'entre l'âge de 30 ans et l'âge de 80 ans, on perd à peu près 30% de la masse musculaire. Ah oui, beaucoup quand même. D'un point de vue juste dû au vieillissement. Oui, mais si on entretient. Alors si on entretient, oui, si on entretient et si on a une activité physique soutenue, on peut maintenir la masse musculaire. Mais de toute façon, ce phénomène de sarcopénie est un phénomène lié à l'âge et inéluctable. Alors c'est important. Serge Braun. C'est important l'activité musculaire parce que non seulement il faut essayer de maintenir au mieux la masse musculaire, mais comme le muscle consomme du glucose, consomme du cholestérol pour fonctionner, pour son énergie, pour renouveler ses membranes, l'exercice a aussi cette vertu de contrôler notre taux de glucose dans le sang, donc d'éviter le diabète et de faire baisser le cholestérol du sang. Ouais. Très important. Organe sécréteur également, le muscle ? C'est une fonction inhérente. C'est un organe qui sécrète énormément de produits, énormément de facteurs. Il y a des facteurs trophiques, des hormones qui assurent la survie de cellules ou qui augmentent la vascularisation, qui vont jouer sur tous les organes du corps, absolument tous les organes. Ouais. Fabrice nous dit, comment sait-il que certains sportifs ont des blessures musculaires à répétition tout au long de leur carrière, tandis que d'autres sont épargnés? Là aussi, il y a une nature du muscle plus ou moins bonne selon les individus. Je pense que le muscle n'est pas non plus fait pour être hyper sollicité. Mmh. Donc quand on est sportif de haut niveau, on sollicite énormément, toujours à peu près les mêmes muscles aussi. Ouais. Donc il y a une fragilité au niveau des fibres musculaires qui font qu'il y a ces fibres cassent plus régulièrement. Et en fait, on a un système de réparation au niveau du muscle qui sont amenés par les cellules satellites, qui sont des cellules qui sont à la périphérie des fibres musculaires et qui permettent, en cas de lésion, de venir réparer la fibre musculaire. Mais ce pool de cellules satellites réparatrice est un pool qui est fini. Donc, au fur et à mesure, on peut aussi épuiser et se blesser régulièrement. Donc, après, on n'est pas égaux pour répondre à la question rapport à l'entraînement et à la sollicitation des muscles. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr et puis on va également aborder évidemment le volet des pathologies et de la recherche. franceinter.fr pour nous retrouver. C'est la tête au carré cet après-midi. I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sign, find the way, but me, yes, I come in. So I smile a little too much, and the glance comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us, so I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us, it must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent to life together. In a night I'll give a word. Yes, in a night I'll give a word. So I smile a little too much in the glass it comes quick to the mouth. And I go on and on, sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much in the glass it comes quick to the mouth. And I go on and on, sometimes just like the rest of us. You can see me come a mile away. You can see me come a mile away. Or you can see me come a mile away. 'Cause I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some say find the way, but me, I say come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth. And I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth. And I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth. And I go on and on, sometimes just like the rest of us. Too much, c'était la voix de Lou Doyon. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, la myologie, c'est la science des muscles, et c'est le dossier cet après-midi de la tête au carré pour explorer ce vaste monde, ses mécanismes, ses fonctions, et puis aussi ses pathologies avec Serge Brand de la FM Téléthon, France Pietri Rouxel du CNRS et de l'Institut de Myologie, tout comme Olivier Benveniste, avec vos messages nombreux sur le site de l'émission. Serge Brand, c'est vrai que grâce au Téléthon, on peut évidemment financer des instituts comme celui de la myologie, et puis c'est au travers des pathologies des muscles qu'on apprend aussi comment les muscles fonctionnent normalement, parce qu'il y a encore un certain nombre de mystères pour les scientifiques sur ces questions-là. Hein. Absolument, c'est en regardant ce qui ne fonctionne pas bien qu'on comprend comment les choses fonctionnent. Et les maladies rares, et en l'occurrence les maladies neuromusculaires, celles qui touchent les muscles et les neurones moteurs, ouais, ont permis d'apprendre énormément de choses sur le fonctionnement normal de l'organisme. Et les stratégies thérapeutiques qui sont développées pour ces maladies trouve aussi des applications pour justement pour limiter la fonte musculaire, essayer de favoriser la régénération musculaire, etc. Parce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont en jeu, qu'on soit un sportif de haut niveau, un astronaute ou une personne touchée par une myopathie. France Pietri Rouxel. Oui, je voulais juste rajouter que dans l'équipe, on travaille sur la myopathie de Duchenne, hein, c'est vraiment notre cœur de métier, et il s'est avéré qu'en étudiant ces mécanismes, on a découvert de nouveaux mécanismes qui étaient impliqués dans la sarcopénie, donc au cours du vieillissement. Donc le vieillissement musculaire, ouais, qui touche un grand nombre de personnes. Donc ces passerelles existent, bien sûr. Ouais, Olivier Benveniste. L'inflammation dans le corps induit aussi des tas de choses pas bonnes pour le muscle. Donc, c'est des choses qu'on commence à comprendre. Le système inflammatoire, quand il s'emballe, il va aussi attaquer le muscle, ouais, et induire de l'atrophie. Donc c'est évidemment essentiel d'en comprendre les mécanismes pour pouvoir les traiter, ça, évidemment, ouais, ensuite. Jean-Paul nous dit sur franceinter.fr, l'ours brun, l'ours polaire hiberne, mais comment évolue l'atrophie précisément des muscles? Comment les muscles se comportent avec l'inaction, Serge Braun? C'est un sujet... Ça fait partie des études qui sont menées, ça? Alors ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les chercheurs. C'est vrai? Parce que comment se fait-il que l'ours qui va hiberner pendant plusieurs mois ne perd pas, ouais, la masse musculaire qu'il devrait perdre du fait de cette inactivité? Et si on comprend ce phénomène-là, on va pouvoir imaginer des stratégies qui vont permettre de contrecarrer la sarcopénie, la fonte musculaire, favoriser la récupération après des fractures, etc. Alors aujourd'hui, on a une idée quand même, alors, ou pas? On ne le sait pas trop. Non, rien du tout. Non, alors on a quelques, ouais, éléments. On pourrait en citer quelques-uns. Il y a l'exemple d'une hormone qui s'appelle la myostatine. Alors c'est une hormone qui est fabriquée d'ailleurs par le muscle, mais qui joue un rôle de frein à la masse musculaire. Mmh. Et cette myostatine, elle fonctionne en permanence et elle a tendance à réduire la taille des fibres musculaires. Et il n'est pas exclu qu'elle soit en jeu dans ces phénomènes-là, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui vont neutraliser provisoirement cette hormone pour maintenir la masse musculaire. Il y a d'ailleurs des essais cliniques pour pas mal de maladies, y compris pour liées à la fonte musculaire dans le vieillissement. Il y a eu des essais chez des femmes après la ménopause avec des systèmes qui neutralisent cette hormone. France Pietré-Rouxel. Oui. Vous vouliez compléter là-dessus? Oui, c'est un mécanisme qui est aujourd'hui assez intéressant puisque, bien sûr, le motoneurone est en place, le muscle ne se contracte plus. Mm-hmm. On est donc dans une situation d'immobilisation du muscle qui, chez l'homme et chez les vertébrés, induit une perte, hein, vous le obligatoirement une perte massive de la masse musculaire. Et donc, il y a aussi le rôle du tissu adipeux chez ces animaux qui hibernent et qui est probablement lié à un changement métabolique profond au niveau de l'organisme qui va jouer un rôle. Et là encore, on est dans l'interaction de plusieurs tissus et de plusieurs organes dans le maintien de la masse musculaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque muscle, vous le disiez, a une fonction bien particulière et certains muscles assurent des fonctions absolument vitales, hein, comme la respiration, par exemple, tout simplement. C'est une façon de mourir, entre guillemets. Il faut parler des choses tristes, mais d'une maladie musculaire évoluée. En général, on ne meurt pas tellement parce qu'on n'arrive plus à marcher, même si c'est important pour aller chercher sa nourriture. Mais on est quand même aidé dans notre vie de tous les jours. Et finalement, à la fin, ce qui fait partir les gens, c'est la respiration. Catherine nous dit la fatigue physique et le manque de sommeil occasionnent des crampes, voire la tétanisation. Est-ce qu'il existe des tests individuels qui permettraient de connaître son taux moyen de toxines au quotidien ou est-ce réservé à des laboratoires? Toujours Olivier Benveniste. Il n'y a pas de test reconnu de façon absolument formelle. En revanche, on a des marqueurs de la pathologie musculaire. On a des dosages dans le sang qui peuvent nous montrer que le muscle souffre avant même que l'on ait une faiblesse musculaire mesurable. Oui. C'est des enzymes qui sont à l'intérieur des muscles. Et quand les fibres musculaires sont lésées, elles libèrent ces enzymes dans la circulation sanguine où elles augmentent de façon très importante. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler des maladies du muscle induites par certains médicaments, demande Anne, là aussi sur franceinter.fr, toujours Olivier Benveniste, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. Hein. Oui, alors on a bien identifié les classes de médicaments qui sont responsables. Il y a, par exemple, je vais vous citer deux exemples qui nous préoccupe pas mal. Il y a premièrement celui des statines. C'est ces médicaments qui permettent de faire baisser le cholestérol. Or, le muscle a besoin de cholestérol et quand on le fait trop baisser, il peut y avoir une toxicité liée aux statines. C'est un phénomène pas très rare. Et puis, ça peut donner aussi des espèces de réactions inflammatoires bizarroïdes au niveau du muscle avec des anticorps anti-statines qui apparaissent et qui vont léser le muscle. Et puis, chose beaucoup plus récente et qui est relativement préoccupante, c'est l'avènement des immunothérapies dans le cancer avec des molécules qui vont pousser le système immunitaire pour se débarrasser des tumeurs. Mais ce faisant, le système immunitaire peut s'emballer et attaquer les muscles, y compris le muscle cardiaque. Et à ce moment-là, ça peut être assez dangereux. Ouais. Serge Braun, est-ce qu'il y a des cancers des muscles? Est-ce que ça existe? Alors c'est très rare, les myomes, on appelle ça. Oui. C'est très rare. C'est un tissu finalement qui est assez résistant à la formation de tumeurs. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Alors, il y a probablement des caractéristiques propres au tissu lui-même, mais il y a aussi peut-être le fait que c'est un organe qui joue un rôle très important dans l'immunité. La plupart des vaccins qu'on nous injecte sont injectés soit par voie sous-cutanée, soit par voie intramusculaire. Donc, c'est pas pour rien. Parce que le muscle possède tout un arsenal de cellules et de systèmes qui font que des antigènes vont être présentés au système immunitaire de manière très favorable par le muscle. Et il est possible que dès lors qu'une cellule anormale apparaît au sein du muscle, elle va tout de suite être reconnue par le système immunitaire et dégradée. France Pietré-Rouxel. Oui, je voulais dire aussi que c'était inhérent à la structure même du muscle, parce que le muscle est un tissu qui est plastique, hein, mm-hmm. il peut diminuer et grossir. Par contre, il est très peu dynamique dans son renouvellement. Il est assez statique. Les fibres musculaires, on les a et on les garde. Mm-hmm. Elles diminuent, elles grossissent. Mais il y a très peu de ce qu'on appelle hyperplasie, c'est-à-dire d'augmentation du nombre de fibres musculaires. Donc c'est un tissu qui, paradoxalement, mm-hmm. est très plastique, mais qui a une structure qui est assez statique. Donc on peut se dire que du coup, on a moins de probabilité de pouvoir avoir des cellules qui vont dégénérer ouais. en cancer. Olivier Benveniste. Oui, et puis l'autre fait remarquable du muscle qui le rend aussi sympathique, c'est que c'est l'organe où il y a le moins de métastases. Il n'y en a pratiquement jamais. Ouais. Alors que le cerveau, le foie, plein d'organes sont touchés par les métastases. Et un autre aspect. Il faut qu'on comprenne ça. Et un autre aspect, c'est que le muscle est une réserve d'énergie. Et donc, ce qui souvent précipite la mort dans le cancer ou dans les phases avancées de maladies comme le sida, c'est la fonte musculaire. C'est le fait qu'on perd l'énergie. Et donc, préserver les muscles, faire en sorte qu'on puisse conserver une masse musculaire suffisante et donc une réserve d'énergie suffisante. 75% du sucre que l'on a dans le corps, c'est le muscle ouais. qui le stocke. C'est une façon de prévenir les maladies, alors. Eh ben, c'est une façon ouais. de vivre plus longtemps. Ouais. Oui. La myopathie de Duchenne, justement, France Pietri-Rouxel, on est dans cette problématique. Oui, donc cette maladie est due à l'absence de la dystrophine, hein, cette protéine qui permet de maintenir l'intégrité de la fibre musculaire, donc ouais. le muscle casse. Donc on a une dégénérescence des muscles squelettiques, hein, les muscles qui sont attachés au squelette, mais aussi du cœur et du diaphragme. Donc comme le disait Olivier, on arrive à une évolution de la maladie qui va toucher le diaphragme et le cœur, et donc des fonctions vitales. Hein. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie vraiment qui permette de guérir la myopathie de Duchenne. Par contre, il y a des stratégies et des essais cliniques qui sont en cours, et notamment aux États-Unis, qui sont extrêmement prometteurs et qui permettent de restaurer, de retrouver une dystrophine, alors qu'elle est un petit peu plus courte que la dystrophine mm-hmm. qu'on a naturellement. Mais ces essais de thérapie génique qui permettent de restaurer de la dystrophine, de la micro-dystrophine, sont aujourd'hui très encourageants. Et ça, ce sont des recherches menées chez l'homme directement ? Alors, c'est chez l'homme. Ouais. Trois essais cliniques sont en cours aux États-Unis mm-hmm. et chez des enfants. Même parfois des très jeunes enfants, et dont un... tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais... Parce qu'en fait, les plus grandes avancées en thérapie génique, c'est notamment dans les maladies du muscle, qu'on les a observées. Et c'est souvent des recherches qui, soit effectivement, donnent lieu à des essais cliniques qui ont lieu aux États-Unis, mais aussi mm-hmm. beaucoup en Europe. Et c'est beaucoup de recherches qui ont été initiées ici, en France, grâce au Téléthon et au sein des laboratoires de oui. l'Institut de Myologie, à la Salpêtrière et à Généthon. Il y a une autre pathologie qui est absolument terrible, encore plus sévère que la myopathie Duchenne, qui est la myopathie myotubulaire, où les enfants décèdent avant l'âge d'un an, et où on arrive à les sauver, parce qu'on sait aujourd'hui transférer des gènes dans les muscles, mmh. et empêcher le phénomène de dégénérescence musculaire, et on arrive à sauver les enfants. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des avancées majeures qui vont bouleverser la thérapeutique et la thérapie génique en général. Et des pistes de recherche essentielles. Alors, les myosites, en ce qui vous concerne, Olivier Benveniste, un groupe de maladies dit rare, vous le disiez tout à l'heure, auto-immune hein, du muscle, et qui concerne à peu près 5000 adultes et enfants en France, plus même maintenant. Vous travaillez donc sur ces myosites à inclusion, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la myosite à inclusion est une maladie curieuse dans la mesure où elle a à la fois des mécanismes auto-immuns inflammatoires tout à fait net, mais aussi des mécanismes neurodégénératifs comme dans la maladie d'Alzheimer. Oui. Ah oui. Donc c'est une sorte d'Alzheimer du muscle. Probablement, cet Alzheimer est secondaire au phénomène inflammatoire, mais c'est pour la première fois, et grâce à un soutien de l'AFM, qu'on a pu mener un essai qui a montré une certaine efficacité grâce à une molécule innovante qui s'appelle la rapamycine, dans cette myosite à inclusion, qui stoppe la maladie, au moins un temps. Et c'est assez prometteur pour la maladie d'Alzheimer, puisqu'il y a des mécanismes communs, donc... On a peut-être là une piste pour... Mais alors, est-ce que comme Alzheimer, c'est une maladie qui commence plutôt chez la personne âgée? Oui, oui aussi. C'est une maladie qui commence à la soixantaine, ah oui. Qu'on ne savait pas bien reconnaître jusqu'à présent, parce que on savait juste que quand il y a de l'inflammation, c'était une myosite. Mm-hmm. Mais c'est une myosite particulière et qui résiste au traitement immunosuppresseur classique, malgré son côté inflammatoire. Ouais. Donc les corticoïdes à forte dose ne marchent pas ouais. et même aggravent la situation. Et quels sont les premiers signes de cette maladie en général? C'est une maladie, alors c'est curieux, c'est très lié au métier des gens. Ils nous racontent que, par exemple, les gens qui font du jardinage ou des choses comme ça ont du mal à se relever de la position accroupie. Mm-hmm. Les gens qui font du ski ont du mal à tenir un chousse. C'était des anecdotes que les patients m'ont raconté. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 5 ans, ils commencent à avoir besoin d'une canne, à avoir des grandes difficultés à monter les escaliers. Et puis ça s'aggrave. Serge Braun, la FM Téléthon soutient 36 essais cliniques, dont 17 concernant justement des maladies neuromusculaires. Et c'est l'occasion de rappeler à ce micro qu'on peut aider la recherche et le Téléthon tout au long de l'année, et que c'est important de le faire. Tout au long de l'année, c'est le Téléthon.fr. Ne pas oublier évidemment le Téléthon en fin d'année, qui est un rendez-vous que tout le monde connaît. Mais c'est des recherches sur les maladies rares, les maladies neuromusculaires, c'est des centaines de maladies différentes, rien que ça. Et c'est des recherches qui bénéficient à tout le monde, comme on a pu un peu l'évoquer aujourd'hui. Et c'est téléthon.fr. Merci beaucoup à tous les trois. C'est l'heure déjà de se quitter.